De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Il y a 3 semaines, Mélanie Jean est venue nous expliquer comment la technologie pouvait rendre nos villes plus intelligentes. Et Dominique Cliche, de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, est venu nous dire aussi comment les villes pouvaient devenir intelligentes dans le respect de certaines règles d'éthique pour le mieux-être des citoyens. Alors aujourd'hui, nous tenterons de comprendre comment la physique contribue également au développement de ces milieux de vie de plus en plus complexes. Alors, pour nous parler de physique de la ville, je reçois l'astrophysicien Yvan Dutille. Bonjour, Yvan. Bonsoir. Alors, Yvan, tu dis que les villes sont comme des organismes vivants. Il s'agit d'objets complexes qui ont besoin de matière et d'énergie pour fonctionner. Est-ce que tu pourrais élaborer sur ce point? Oui, en fait, c'est les physiciens ont une façon qu'on compte comme les enfants. 1, 2, beaucoup. on est capable de faire des objets simples, c'est bien, et on a un problème avec les corps intermédiaires. Et quand il y a beaucoup, beaucoup d'objets, les choses se comportent comme un gaz et on peut faire une description statistique des comportements. Uh-huh. Alors, par exemple, bon, on parle d'organismes, on va commencer par les êtres vivants. Okay. Si on prend une souris puis un éléphant, le rythme cardiaque de la souris est beaucoup, beaucoup plus rapide que celui de l'éléphant. Même chose pour les humains, hein, les enfants puis les adultes, les enfants ont un rythme cardiaque plus rapide. Le métabolisme de la souris est beaucoup plus élevé que celui de l'éléphant. Les oiseaux, c'est pareil aussi, Oui, c'est le même principe. En fait, c'est plus facile de comparer le même groupe d'espèces entre elles, mais effectivement, il y a une relation, qu'on appelle des relations allométriques. Donc, c'est pas parce que tu es 10 fois plus gros que tu dépenses 10 fois plus d'énergie. Uh-huh. C'est la même raison pour laquelle une puce peut sauter 40 fois sa hauteur puis qu'un éléphant a à peine la capacité de lever ça. C'est parce qu'il y a des lois, des contraintes physiques qui font qu'on ne peut pas faire un facteur d'échelle direct. Un des facteurs limitatifs, entre autres pour tous les êtres vivants, qui détermine le rythme cardiaque, l'espérance de vie et le métabolisme, c'est la nécessité d'envoyer du sang aux cellules. Parce qu'on ne peut pas faire il y a une limitation à la diffusion des aliments dans le corps causée par le système sanguain qui est fractal. Oui. Il y a une structure un peu comme... D'ailleurs, l'analogie avec les villes semble être la même chose. On regarde une ville du dessus. Moi, j'ai déjà fait avec la ville de Québec, avec des données que la ville avait prélevées. Et on voit les endroits où les artères, les artérioles, les capillaires, on les voit. Donc, on a le même phénomène. D'ailleurs, on a les mêmes problèmes. Hein. Une tumeur cancéreuse, le cœur de la tumeur cancéreuse n'est pas oxygéné parce que les vaisseaux sanguins n'arrivent pas à se rendre parce qu'elle grossit trop vite. Okay. Donc, l'analogie n'est pas si bête que ça. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'appelle Geoffrey West, qui est un physicien, qui lui avait fait un article qui l'a rendu célèbre sur justement la relation allométrique entre l'espérance de le métabolisme et la taille. Il avait dit, ah non, le vieux papier de 1930 est erroné parce qu'il y avait des données qui n'étaient pas à jour. On a remis les données à jour puis il a montré, bon, par principe, justement, la nature fractale des vaisseaux sanguins, que ça expliquait tout. Donc, il a dit, ouais, mais on pourrait faire la même chose pour les villes. Là, il s'est associé avec un autre physicien qui s'appelle Louis Bettencourt, qui sont des gens qui travaillent quelqu'un qui travaille au Santa Fe Institute, moi qui est une des institutions scientifiques qui me fait le plus triper sur la planète, parce qu'il travaille sur les problèmes complexes. C'est un institut multidisciplinaire et ils font plein de trucs sur la finance, sur l'environnement, et en fait, l'étude des villes fait partie des choses qu'ils utilisent. Alors, l'idée étant, et là, c'est toute la merveille de ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ou 15 ans, c'est on est des orgies de données actuellement. Donc, on peut prendre tout ça et sortir de l'information qui n'était pas disponible. Là. L'analyser, c'est ça. Oui, et c'est ça. Là, autrefois, ça avait pris un temps fou. Ça s'est déjà fait. Hein? Mais ça prenait des mois à échanger des documents avec un paquet de monde, alors qu'aujourd'hui, ben, on a tout, la surface des routes avec les techniques de géomatique. Effectivement. On va tout chercher ça assez facilement. Donc, eux, ils se sont dit, ben, ramassons des données. Alors, ils ont ramassé un volume hallucinant de données. Après ça, ben, on fait comme tout bon physicien un peu niaiseux, on trouve des corrélations puis des fréquences. Alors, ce qu'ils cherchaient, eux, ce sont des relations entre la taille d'une ville et d'autres paramètres socio-économiques. Mm-hmm. C'est pas automatique que c'est proportionnel. Mm-hmm. Et c'est ça qu'ils ont découvert. C'est sûr que la population est proportionnelle à la taille de la ville. Le nombre de logements est proportionnel à la population. Uh-huh. Et le nombre d'emplois est proportionnel à la population aussi. Donc, le nombre de taux aussi, probablement? Là, c'est là que ça commence à devenir plus intéressant. C'est que le trafic augmente plus vite que la population dans une ville. Donc, si vous doublez la taille d'une ville, le trafic par capita augmente de 15%. Bon. En doublant la. En doublant. Donc, ça, si on augmente. Donc, en doublant la superficie. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut tenir compte de la troisième dimension. Oui, c'est ça. Parce que la taille de la ville, ils ont démontré ça récemment avec des mesures, avec des lidars, de la hauteur des édifices, des modèles 3D des villes, qu'il y a une forme géométrique à partir du centre-ville, là, que c'est une décroissance avec une loi de puissance sur une ville. Donc, c'est la même géométrie qui est reprise un peu partout. Sauf qu'il y a quelques exceptions comme des villes comme Los Angeles avec plusieurs centres-villes. Oui. Mais en général, c'est toujours cette même forme-là. Donc, il y a une relation entre la population de la ville, la hauteur de l'édifice le plus haut, la hauteur moyenne des édifices, le nombre de routes, les délais, en tout cas, il y a un paquet de paramètres. Et eux, en examinant tout ça, et bien, ces relations-là allométriques apparaissent. Et là, bon, on parlait du trafic. Bien, le trafic augmente de 15 % quand tu doubles la taille de la ville, mais la longueur des routes diminue de 20 % en moyenne par capita quand tu augmentes la longueur de la ville. Alors, ça fait que ça vient compliquer. Donc, les pertes de temps dans le trafic augmentent exponentiellement. Donc, ça, c'est un des problèmes. Par contre, il y a dans les villes des choses intéressantes au niveau de l'emploi. C'est pas nécessairement qu'il y a plus d'emplois, mais les emplois très payants, très innovants, se retrouvent beaucoup plus en ville. Le revenu par capita, si tu doubles la taille d'une ville, va augmenter de 15 % Okay. Ça, c'est une relation comme ça. Mais il y a plus de gens dans la finance en ville, à peu près 15 % toutes les fois que tu doubles la taille de la ville. La R&D, ça augmente de 45 % par doublement. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, le gros de la recherche et développement est à Montréal, dans la région Montréal-Montérégie, là, dans le grand Montréal métropolitain, 85 % de la recherche et développement est là. Québec, on est en train de faire un petit peu notre place, mais il y a toute une dynamique à créer. En même temps que tu grossis la ville, ben, tu augmentes les conflits. Donc, tu as 15 % de plus de crimes violents, 15 % plus de problèmes de pollution aussi qui augmentent. Par contre, la quantité d'énergie par capita diminue. En fait, ça, c'est un effet pas tant du trafic, du fait que les appartements sont plus petits. Ah bon, OK. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que d'ailleurs, quelqu'un ne veut plus me parler à cause de ça. Il dit, j'ai trop de pistoles, puis il dit, c'est merveilleux. Il dit, je suis capable d'avoir une maison. C'est un écologiste convaincu. Je suis capable d'avoir une maison, une auto. En ville, j'aurais peut-être pas me permettre ça. Oui, mais j'ai dit, c'est parce que ton empreinte écologique est 4-5 fois plus grande que si tu habitais à Québec. T'sais. Fait que là, un peu choqué, mais c'est ça. C'est surtout, en fait, à ce niveau-là, c'est surtout le bâtiment qui fait la différence. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui jouent. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait une sorte d'optimisation qui se faisait. Parce que... On parle du logement, là? Oui, du logement. Okay. Parce que le coût d'un logement... Bon, je n'embarquais pas. Dans une de mes autres vies, j'ai étudié le bâtiment durable. J'étais coordonnateur scientifique d'une chaire de recherche dans l'énergie. C'est une des choses que j'ai étudiées. Mais de façon générale, une maison standard qui n'est pas hyper éco-énergétique. Un bungalow, quoi. Oui, un bungalow, un immeuble. En banlieue. Ou en banlieue, ou un immeuble. Sur la durée de vie de l'immeuble, ce qui coûte le plus cher, c'est en opération, c'est le chauffage, la climatisation, l'éclairage. Donc, ce n'est pas la quantité d'énergie pour le fabriquer, c'est la quantité d'énergie pour l'opérer. OK. Alors, il y a une relation qui allométrique qui fait que le meilleur immeuble du point de vue environnemental, c'est celui qui s'approcherait le plus d'une sphère. Parce que on contrôle la perte de chaleur ou l'entrée de chaleur un rapport surface-volume. Okay. Évidemment, on fait pas des édifices sphériques, mais la meilleure approximation d'une sphère, c'est un cube. Oui, donc, tout à fait. L'édifice le plus écologique en Amérique du Nord est environ un édifice de 10 étages. OK. Donc, un édifice carré. Oui, comme ça, cubique. C'est ça, cubique. Un peu comme on a sur la rue de l'Église, d'ailleurs, qui est dimensionné à 10 mètres. Non, pas à 10 mètres, mais à 10 étages, qui est la forme la plus convenable. Donc, et ces relations-là, allométriques, se cachent un peu partout. On parlait de la taille, là. Ben, ça, il y a une relation qui va à peu près à la puissance un tiers de la taille de la ville pour la hauteur moyenne de l'édifice. L'édifice le plus grand suit à peu près la même relation aussi. Uh-huh. Ce qui fait que... dans le cas de la ville de Québec, ben, nos tours de 40 étages sont à peu près à la hauteur du plus gros édifice pour une ville de notre taille. Uh-huh. Par contre, le fort à 65 étages, il est un petit peu trop gros. Ça correspond plus à une agglomération de 3 millions d'habitants. C'est un calcul que j'ai fait sur un coin de table. Là. Prenez pas trop ça au sérieux, mais c'est ce genre de choses. Et même dans le même genre de sujet, on peut parler des ponts. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ça, c'est un sujet d'actualité. Les ponts, ça a été étudié en Europe. Okay. Bon, c'est, là, les hauteurs ont été étudiés plus en Amérique, mais les ponts, ça a été étudié en Europe. Et il y a une relation entre le nombre de ponts, la distance entre les ponts, mais pas avec la taille de la population, mais vraiment juste avec la largeur de la rivière. OK. Puis à Québec, on a deux situations différentes. On a le pont. En fait, on a les ponts qui enjambent le fleuve, mais ceux aussi qui enjambent la rivière Saint-Charles. Oui, ceux-là, oui. Ceux-là, ceux, j'ai pas regardé. Moi, j'ai regardé surtout le pont qui intéresse tout le monde, celui qui enjambe le fleuve. Donc, si, là, là, il faut tricher un petit peu parce qu'il n'y a pas de, rivière d'un kilomètre et demi de large en Europe. On s'entend, le majestueux Saint-Laurent, il n'y a pas son équivalent, là. Donc, c'est plus 200 mètres, 300 mètres. Alors, j'ai extrapolé la courbe et là, on arrive que la distance naturelle, optimale entre les ponts à Québec devrait être de l'ordre de 5, 6, 7 kilomètres pour la largeur du fleuve. Donc, les deux ponts sont trop près l'un de l'autre. Uh-huh. Ils sont à peu près à quoi? 500 mètres l'un de l'autre. Maximum, et le projet de troisième lien, dans sa bouture actuelle, est beaucoup trop loin. Donc, du point de vue urbanistique, ça prendrait un truc qui serait probablement entre centre-ville de Québec ou centre-ville de Lévis ou quelque part intermédiaire, là. C'était le plan original proposé par la société Eiffel au 19e siècle. Hein, dans parmi tous les milliers de projets de pont qu'il y avait, il avait dit, ah, si jamais vous mettez le pont à l'endroit où le fleuve est plus étroit, vous allez déplacer votre centre-ville. C'est d'ailleurs ce qui est entré. Ça a pris 100 ans, mais ça s'est déplacé. Donc, c'est ce genre de toutes ces contraintes-là jouent et une des choses, c'est qu'on peut pas lutter vraiment contre ça. Ou, en fait, là, une des autres maintenant qu'on comprend ces règles-là, c'est de trouver pourquoi certaines villes performent mieux que d'autres. Pourquoi certaines villes vont moins de... avec les mêmes... Pourquoi ils sont très différents des unes des autres? Et là, c'est là qu'on est en train de regarder qu'est-ce qui pourrait jouer. Est-ce que c'est le bâti urbain? Est-ce que c'est la géométrie? T'sais, on peut comprendre qu'une ville qui a beaucoup de rivières a plus de problèmes de trafic qu'une ville qui est comme Houston ou Texas, qui est un damier quadrangulaire. Cartésien, là. Ou Toronto est un peu comme ça aussi. Donc, Barcelone. Barcelone, moi, j'habitais là, c'est un damier parfait sur le trois quarts de la ville. Donc, c'est sûr que c'est tous ces éléments-là qui jouent. Et puis, il y a tout la question du flot de matière et d'énergie qui est étudié maintenant parce que on essaye de comprendre du point de vue comment on pourrait optimiser ça pour réduire la pollution ou maximiser les flux. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont maintenant, font partie de cette espèce de programme de recherche qui maintenant est en train de percoler dans l'urbanisme pour essayer de voir qu'est-ce que genre qu'est-ce que ça fait, quelle taille de la ville, comment on peut tricher avec une ville plus petite, comment réussir. Parce qu'il y a une des raisons pourquoi on va en ville, et c'est pas pour être écologique. La raison principale pour laquelle on va en ville, c'est parce que ça nous connecte plus facilement avec d'autres personnes. C'est pour ça que les emplois de haute innovation, de recherche et développement sont dans les centres-villes. Les gens qui ont à travailler en équipe, qui ont rencontré des gens, vont se rencontrer plus en ville. D'ailleurs, il y a des trucs, on change d'échelle en architecture innovante, c'est une autre affaire que je regardais demander dans ma vie, où on essaie justement de faire ça, que les gens se rendent dedans par hasard, pour faire le mélange des idées, le mélange des concepts, le melting pot. Donc, il y a un édifice à MIT qui est célèbre pour ça, qui a fini par à suite à une erreur d'administrative, d'urbanisme, le bâtiment était identifié temporaire pendant 50 ans. Fait qu'il respectait aucune norme du code du bâtiment, aucune norme de sécurité. C'est l'endroit où il y a le plus d'innovation à MIT. C'est au MIT, à Boston. Et c'était bordélique, cette affaire-là, hallucinante. Mais c'était, les architectes ont regardé ça, et c'était un grand corridor qui faisait que les gens ne pouvaient pas faire autrement que se rentrer dedans et se obliger de se parler, même dans des domaines différents. Donc, pas impossible de s'éviter. Lui, il y avait, évidemment, c'est, le moment donné, ils ont fini par le détruire, parce que c'était vraiment un danger public, cet édifice-là. Mais c'est ce genre un peu ça, le concept de la ville. Tu sais, les quartiers centraux où on a toutes sortes de gens, de toutes sortes de cultures, où on peut se rencontrer et échanger. C'est ça qu'on va chercher en ville. Et là, quand on a compris ça, est-ce qu'on peut recréer ce même genre d'environnement d'échange dans des villes plus petites? C'est un défi pour Québec, par exemple, parce que nous, on n'a pas la population de l'agglomération de Montréal. Est-ce qu'on peut recréer cette innovation-là par des petits, toutes sortes de moyens, des cafés, des clubs, des trucs de même pour recréer une ville plus... Le niveau d'activité. Plus humaine. Mais nous, en fait, on triche déjà sur le taux de criminalité où on est très, très en bas de notre taille par rapport à la moyenne nord-américaine. Ouais. Donc, c'est le genre de truc qu'on pourrait peut-être tricher aussi là, dans ces choses-là. Et qu'est-ce que le modèle physique dit sur... concernant le couvert routier d'une ville, ce qui est un sujet très à la mode présentement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas un modèle, c'est une observation. Oui. C'est que ça diminue de 20% à chaque fois que tu doubles la taille de la ville. Donc, et comme on a dit tout à l'heure, le trafic monte de 15%, ben ça fait un 25% plus de congestion routière à chaque fois qu'on double. Donc, et ça, il y a un autre phénomène qui est la théorie des queues, c'est que la circulation est fluide jusqu'à ce qu'on atteigne la proximité de la capacité des systèmes routiers. Okay. Et là, ça devient catastrophique. Parce que ça augmente exponentiellement quand on approche la limite. Il y a une petite fluctuation. Le système, en fait, le flot d'automobile se comporte comme un fluide non newtonien. Un peu comme, qu'est-ce qui est un fluide? La mélasse. Oui, oui, okay. Oui. Tant que ça coule, ça va. Et à un moment donné, quand il y a une baisse de pression, ça bloque. Là. C'est ce genre de toute la peinture fait ça. C'est fluide quand on l'applique, puis quand on arrête de mettre de la pression, ça. Donc, les voitures, c'est la même chose. Tant que ça coule bien. Puis à un moment donné, quand ça bloque complètement. Et là, l'idée, souvent, dans certains cas, c'est de tricher, d'envoyer les voitures dans sur des parcours plus longs pour ne pas qu'ils se retrouvent tous au même endroit. On peut même enlever des routes. Dans certains cas, ça augmente la fluidité. Parce que les gens ne vont pas se regrouper au même endroit. Il y a toutes sortes de techniques, le plus de modélisation mathématique à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'augmenter les routes ne règle pas nécessairement le problème. T'sais, si on parlait de la tumeur cancéreuse tout à l'heure, ben, tu as beau en rajouter des artères qui iraient sur une tumeur, le problème, c'est les capillaires à l'intérieur qui ne rendent pas les ressources. On peut éliminer un point de congestion, mais finalement, on va perdre du temps un petit peu plus loin souvent. Là. C'est rare qu'on va réussir à rendre les choses fluides là, complètement. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut que tout bon urbaniste sait, là, qu'on ne peut pas rajouter des routes pour. Ça ne m'augmente pas généralement la fluidité à ajouter des routes. Ça ne fait que déplacer le problème. Et le transport en commun dans tout ça? Ça, je ne l'ai pas regardé, en fait, dans la littérature que j'ai vue, mais c'est sûr que ça, c'est un mécanisme comme un autre. Mais le transport en commun, c'est un problème d'économie de surface. OK. Ça, c'est. Il y a des exemples classiques de ça. Là. Si vous prenez un autobus, comme je suis arrivé tout à l'heure dans la 801, il va avoir 110 personnes dans l'autobus. Okay. Le taux d'occupation d'une voiture, c'est 1,2. Donc, typiquement, il y aurait 100 voitures pour un autobus qui prend la place de 3-4 voitures. Donc, et le problème, on le mentionnait tout à l'heure, la surface de route ne suit pas la population. Uh-huh. Fait que là, il faut que tu mettes tes voitures quelque part. Fait que la seule façon, c'est de compresser les gens soit sous terre, comme dans les métros, soit dans des autobus, ou encore des pistes cyclables où c'est assez efficace pour confiner les gens sur des surfaces moins grandes. Donc, c'est une question bête de géométrie. Tu as plein de voitures qui viennent de la périphérie qui convergent vers le centre. Ben, ils avaient tous un stationnement à périphérie. Ils arrivent tous au centre-ville. Ça leur prend un stationnement aussi. Là, tu as un problème d'empilement de voitures. Alors, il faut que tu règles ça. Et encore là, c'est pas en ajoutant des routes. Là, tu transformes tes routes en stationnement quand tu fais ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Et c'est avec des moyens de permettre aux gens de se déplacer sans occuper d'espace qu'on arrive. Alors, c'est sûr qu'on tombe dans le transport en commun, pas de la solution. Sauf des alternatives qui vont soit en hauteur, soit en profondeur. Des trains aériens, des monorails ou des métros. Ou des autobus qui, elles, vont transporter beaucoup plus de gens sur une surface beaucoup moins grande. Mais à ce moment-là, est-ce que la densification est une amélioration? Parce que plus qu'on densifie, plus qu'effectivement, il y a de gens qui habitent au pied carré et que ça crée de la congestion aussi, ça. Oui, en fait, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que l'utilisation du transport en commun suit une courbe très prononcé avec la densité de la population. Ah, OK, oui, c'est un fait. Donc, c'est vraiment une courbe qui montre. J'avais déjà regardé ça, et le point d'inflexion est à peu près la densité qu'a le plateau de la ville de Québec. OK, et le plateau, on parle de toute la haute ville. Toute la haute ville. Donc, en fait, même Limoilou a la même densité, là, où est-ce qu'on est ici. Donc, c'est à peu près, j'essaie de me souvenir du chiffre de mémoire, c'est 2000 habitants à l'hectare, quelque chose comme ça, là, ou au kilomètre carré, je ne me souviens plus. Je me souviens d'avoir regardé les cartes, puis Sainte-Foy est à peu près à ce niveau de densité-là. Là, au Québec, le Vieux-Québec et Limoilou. Donc, c'est pas pour rien que c'est là que les autobus passent, mais c'est parce qu'à un moment donné, à rendu une certaine densité, c'est un emmerdement avoir une voiture, puis c'est beaucoup plus avantageux. De déplacer en tout cas. La voiture est en emmerdement. C'est pas plus avantageux d'être en transport en commun, mais là, on voit ça justement une augmentation énorme du vélo et de la marche parce que c'est plus efficace. C'est donc, alors que quand tu vas à l'extérieur, ben là, c'est le contraire. Là, c'est les gens voyagent en voiture. Merci beaucoup, Yvan. C'est vraiment très, très intéressant. Merci pour ces explications. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. On va passer au mot de la fin.